Bretagne. Bretagne. Bonjour, aujourd'hui le cortège féministe est organisé par et co-organisé avec Nantaise en lutte et l'association Putain de Guerrière que je représente aujourd'hui. Nous sommes 52% de la population. C'est important de le noter quand même, parce qu'on nous dit toujours qu'on est en minorité, mais les femmes sont en majorité en France. Voilà, c'est une petite. C'est important de reprendre le pouvoir deux minutes. Donc nous sommes 52% de la population, nous sommes en colère. Oui aussi, ouais. Nous nous associons au mouvement féministe et révolutionnaire d'ampleur mondiale pour annoncer un cortège femmes et minorités de genre le 7 décembre 2019, départ place de Bretagne. En continuité du 5 décembre, où nous serons également présentes, la lutte ne s'arrête plus. Petit aparté encore une fois, la réforme des retraites. Bon bah déjà, c'était pas la fête pour les femmes, pour les retraites, mais alors là, c'est juste... Bon voilà, vaut mieux pas être en retraite, en fait, travailler jusqu'à la mort, hein, voilà. Donc il n'y a plus de retour en arrière possible, il est l'heure de faire entendre nos voix, notre colère et notre soutien à toutes nos sœurs. Les femmes prennent la rue, assez de se taire, assez des violences patriarcales quotidiennes et systémiques, assez des violences contre les LGBTQI et les travailleuses du sexe, assez des violences islamophobes et racistes. Dans le coma sous perfusion, on est allé la voir hier, on est rentré dans son box, elle est toujours dans le coma sous perfusion, donc une pensée à elle. Ce que je vous propose du coup là, c'est de partir en manifestation, et on avait prévu aujourd'hui, vous avez dû suivre, de faire une chanson et une chorégraphie en hommage aux Chiliennes qui se battent actuellement. Et donc si vous pouvez toutes nous suivre pour partir en manifestation et on s'arrêtera à un moment donné pour la faire tout ensemble. Voilà, merci. Pour marcher, pas pour se faire agresser. Défends-toi pour marcher, pas en ligne militaire. Et ben, on n'est pas efficace. Et tant mieux. On a des plus délits. Bien discipliné. Faites des lignes, s'il vous plaît. Faites des lignes. Faites des lignes, s'il vous plaît. Merci. Le patriarcat est un juge. Le patriarcat est un juge. Bye. fermez ? Non. Et rentrez ? Non, je veux savoir pourquoi vous fermez. Bah, parce que c'est comme ça. On suit la direction. Stop ! On partira pas. Mais répondez-nous, c'est un truc de ouf! Quand votre gosse il pleure, vous lui répondez, au bout d'un moment vous le frappez. Il frappe. J'ai un doute sur la réponse. Hein. Mais réponds-nous. C'est ouf, mais comment vous pouvez faire votre métier français là? Ouais, franchement. Vous avez tapé les pompiers. Vous avez tapé les pompiers jeudi dernier. Et puis, derrière. Mais vous êtes pas des putains de robots, vous avez un cœur en dessous. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, papa? J'ai tapé du manifestant. J'ai mutiné. On attend ceux qui sont derrière, ils se font dégommer, on attend. Bah on y retourne, sinon. Mais elle est violente de ouf, hein. Elle a trop. Est-ce que quelqu'un a besoin de sérum? On part déjà, là, c'est pas mal. Est-ce que quelqu'un a besoin? Est-ce que vous voulez du citron? Allez, repliez-vous! Si on en met... Ah, pourquoi pas, ouais. Ça bloque, la vacuum. Oui. Si tu le mélanges avec du miel non, c'est encore mieux. Repliez-vous, revenez, on reste coupé. Vos bouilles, vous nous éclatez, revenez. Super bien, merci. Black Friday, moins 70% sur nos retraites.